bitch ass fuck faces. Now, maintenant, je te chie, spolié comme tu es. Il y a un autre monde après, alors viens avec moi, viens. Dimanche dernier, un jour d'été, je l'enculais, v'là hop. Oui, je te zèbe, salmara sa couille, chatte zélée opération. Alors vois, là, et la solution se complète, 1504, complètement 08. Pété. Ouais, yeah, the LSD here goes notebook. Nothing. I know, fuck this shit. I wanna go butt fuck facing. Death is obvious. 18h40, yes, because RAS. I know. 19h30. I merde, j'ai envie de gerber. I stay. I hear. Right here. Club que gerber. Je vois comme la solution mobile. Complète se profile marre, à l'horizon. Des jours que je gerbe. Très plein. Sub d'une autre vision terrifiée. Ça veut pas s'arrêter. De la ça s'arrêtera jamais. Je rôde jeune. Cette initiation et j'ai envie ritualisée. Je pisse, je suis rouge. Et j'ai point envie d'échappatoire. Ne rien point faire de problème. Surtout, ne rien faire. Ainsi, de je peur, sais, de je tout vois. Faire de travers. Ici, il y a la solution complète. Je pas. Me suis décidé. C'est décerné à personne en partie de solution. C'est l'idée derrière le mot complète. Surtout, ma gueule. Ma pas éjaculer. Dites surtout ne pas péter. Merde, trop tard. Je me sens mieux maintenant. I don't think it's quite what I meant. Dans la fange de I don't give a fuck. Tant pis, trouve le cul. Je ne me branle point. En te regardant bouger la tête manière. Quoi donc, de haut en bas un, et inversement fat, ainsi ouais, si il y a manière à s'exprimer bon, pour moi t'avais de quoi payer so this is where I see le désir de pages de non. Alors un peu et de tout LSD, et tout je vois que nous ne sommes pas plus avancés quand on dit que de tout fait de fêter que d'empirer jusqu'à demain. Je sais pas pourquoi, canine, parce que c'est ça pue comme ça. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, et canalsud.net, c'est le 24 septembre, c'est une date anniversaire pour Nuisance. Oui, la date anniversaire du jour, c'est l'anniversaire du jour. Aujourd'hui, je ne vois pas finalement. Le 24 septembre 2010, c'est vraiment la merde. À 21h30. Je sais, je le sens. Depuis pourquoi pas. Depuis c'est tout. Tape là, voilà, je suis comme ça, moi, à chaque fois. Salut à toi, surtout fratrie de merde, va chier. De pas en sale avoir con et bite de pute. En avoir marre, entraîne, sale jus, sombre histoire. Stupidité, when it all comes down to be there, con, j'espère. That's where we got to go. Assez con pour cette vie dans ce monde. Trop con, trop con. Fuck faces everywhere, fuck you. Piece of shit, fuck faced and all. There goes, shit, so well. Satisfying down to all that sweet. But you gotta know, there's nothing there. Ça va s'améliorer. Here it goes. Down to all this wondrous nature. Du fait que je ça te vois, sale connerie. Et mieux toi, ici, mourir, vivre. Je t'encule. Non, voilà. Pas mourir, non. Vivre. Pourquoi voilà alors vivre heureux, je ne sais non, quoi semer. Maintenant. Al est d'ores et déjà mort. La mort. I wonder where the wandering down to the river jamais qui y a après la mort. The river of mine is thorough. But well, not that well. Allez, make it through the condition, piece of shit. Allez, that's who I am. There is nowhere, nor anywhere. Allez, pretty fucking uncomfortable. Huh? What allez, the fuck is going on? Rien ne s'en va jamais. Que je te oui, baise. Il est dit que le dire ne vaut rien. Faut va te faire. Je t'encule à sec, sale chiotte de ma cabée. Crève sale, parce que finalement, il n'y a pas que Vosges. Rien, mon fils. Toujours niqué. Va chier. C'est là où tu es. Stop. There goes the forgotten world, fucked. Je me fais constamment niquer, big man. Et s'en infligent jamais. I don't want to be. There it is. Fine with me. Well, it's suddenly been what it already was. Too bad, it's over. No more powder in the cannon. Fuck me, please. No way, fuck off. Personne n'est malheureux. Je vois où être ainsi, au fait de fûts de chêne et de paille. Fais-tu attention à ce que tu écris? Non. Alors, et voilà, et tout est tout. Ça tue, tu es, mourir. Je te suis, tu es là avec moi pour toujours. Mais c'est pas grave. Je te vois là-bas. Je t'encule. Parce que t'es pas ici. Je t'encule. Or, quand on encule un cul plein de merde, on a la bite pleine de merde. Va chier. Je t'encule à sec avec du gravier. Parce que t'es loin de moi. Je te gerbe, je te spolie, de sphorie, oriolée, olé. Et quand tu regardes de travers la mer, on va chier. Génial, sa demeure pleine de pu, j'ai tous, les glandes, libre. Oui, l'on même peut le dire, paye, I got what I got, venir. What you got not, super I remember quite, the way to satiety, the way to shit, tu dois rester ici, oui, ouais, moi je reste là, moi tu non, je baise, je baise, je sais pas rien, mais c'est pour expliquer, là c'est quoi ce délire, je touche la merde avec la main, sans gants, ouais, carte bien, enfin écoute, même que je m'endors, je passe sur la tête, écoute-moi quand je t'entends, quand je m'approche, putain, c'est super, vois. Tard, connard. Tout ce que je vois, c'est toi. Les chiantes. Tu arriveras qui pas. Me fait chier, c'est moi. Je t'en plus le monde alors que d'un côté et de l'autre, le bordel retourne. C'est non, alors oui, que si, vaut la lecture de la bande de enfin, tas de bandes qui respirent longtemps à souffrir. Comme tu le vois, arc faire le trajet entraîné à tuer. La puissance couverte de pustules. Pendant la cuvée fantastique. Va te faire niquer. Fuck comme bad faces. Pas avoir quelqu'un. They're all gone away. Ça m'étonne. I never noticed how tiring. tire sur la corde et vautrer dans la fange humaine son existence atrophiée par la subsistance. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM et c'est toujours le bordel nuisant de nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission nuit au sens et il suffit de souffler sur le micro pour savoir s'il marche ou le frotter comme ça, délicatement. Voilà. Et dans un tas de merde pourrite, voilà. Ça te fond sale. Et il suffit de le faire pour savoir. Notre directeur a déni, vocal improvisation, time expands from the inside, it goes away. Heureusement que la hystérie est brillante. I remember a remnant of an old trash like drama. Dramaturge plutôt rature pâle sur un objet cylindrique, contendant vers une figure plus horizontale que l'effet. Néfaste à volontaire, non voulu comme désirable. Une espèce de rature obliterée par un contrôleur zélé. Control offhand with a little finger on two and the biggie hand and arch a 25. I suck big goddamn dick up me bum like an anal piece of a shitload of heat, cold lead-like methane expansion. Sur un vase empli d'hémoglobine, la bobinette se fait doucereuse en cette transbahutation émotionnellement, comme pont, comme manche, à compte de comme balai hier. De mille pas, j'arrachais vœux gras comme un veau gras à l'âme du tréfond d'une déception passée comme je n'y dote. Eye of an eye, shitload of vaseline. La presse presse le pas de l'angle. Deux fois que je vois l'antre de dépasser l'entendement de mon jeu. Ne vois-tu pas, fils de merde, ne vois-tu pas. Sale chèche, crève un abcédé, c'est garanti par dissolution de la soluce. So let's be the one, choose for you, moins job, connard. C'est tellement cucu et tout. Je vois où est l'obsession, après moi. Après toi, la méthode est ainsi passée. Je suis la voix, connard. Ass bitch and motherfucker. Sale nique. Je suis la vie de merde, belle comme elle est, belle. Je vois la beauté de ton œil sacrifiée à toi, sale merde. Les vapeurs m'obsèdent, de jour en jour. Je suis là, un fuck n'est pas radiophonique. Un fuck dans le cul n'est pas radiophonique. Un fuck dans la chatte n'est pas radiophonique. Un fuck dans la bouche n'est pas radiophonique. Un fuck dans l'oreille, dans le nez, dans la main, dans le pied n'est pas radiophonique. Un fuck dans l'œil n'est pas radiophonique. Un fuck dans l'oreille est radiophonique. When the two, three rings ring, that's when I know. What I know is what I fuck with. Non, il n'est pas allumé, il est éteint. Il est éteint le micro. C'est pour ça que je parle pas dedans. Je vois briller dans le jardin des bois, comme fraise des bois, comme déblatéré, des âneries pompiers. Je vois la voix qui rature le long d'un canal assombri par les lanternes de gaz implosant à côté des barrières lourdes. Le temps. Le temps. Le temps souffle comme le vent. Le temps. Bientôt 30 ans. Et le temps. Le temps. Dans toutes ses formes, le temps. Toutes les directions, le temps. Et que son temps. Ce temps vers une progression. Et que le mouvement soit la fluidité de l'âme dans son évolution. L'écrasement se fait sentir le temps, et pour un bonheur ou un malheur que le temps, et que son temps, ainsi, c'est ainsi en son temps, on attend. Encore et puis je soupire de mais pourtant, je suis sûr il était temps de mourir à l'instant, de grottes anciennes et que pour quand nada, je ne pourrais être que le temps. Et le vent, des poussières, des éléments, le temps, et que le temps d'un anniversaire, le temps, le temps d'une lacération, le temps de s'hériter, le temps. De vieillir et de mourir en temps. À ce temps, je ne suis plus et me voilà transformé en élément. Un élément vivace, un divin qui s'envole et qui part sans même trépasser. sans même laisser l'envie de désir, de mourir ou même de vivre, que le plaisir ou le sens de son sentiment, et que le menteur se met à mourir, cramé dans les flammes de l'enfer, et que l'enfer carbonise l'âme et le corps, et que le corps n'en éternise souffrir le temps et faire souffrir le temps, pardon, souffrir et faire souffrir. Et malgré ce ramdam, le temps, la conséquence se fait perdre vie contre un mur de congrès. Et encouragé par un plaisir ineffable, les sorcières se ridiculisent en portant Bermuda. Le café. Paris, moi, allez, va chercher le café. Le stagiaire, il est où là? Il est où l'assistant? C'est bien. Eh, hey, trois tasses. Et deux sucres chacun, s'il vous plaît. J'en prendrai trois sucres et trois tasses aussi. Il a dit trois sucres. Trois sucres par tasse. Et trois tasses aussi pour la régie. Ils sont dans, là-bas, dans l'entrée. Vous êtes bien sur Canal Sud et la superficie n'est pas très grande, mais pourtant, on est obligé de parler à la radio pour s'entendre. Le temps. On a mis des enceintes un peu partout dans Canal Sud et pour se parler, ben, on parle à l'antenne. Quoi. On se dit, t'as du PQ dans les chiottes? Ouais. Et non, alors vas-y, je t'en passe sous la porte si tu veux. Ouais, mais il faut que tu viennes. Ah, oh, ça fait chier, tu veux pas venir toi pour passer le PQ sous les chiottes? Et en fait, on se dit non, quoi, parce qu'il n'y a pas d'eau de Javel, tu vois. De Javel par terre. Et la dernière fois, on a voilà. Fini l'émission de radio aux toilettes. Aux toilettes. Oui. Et on n'ose pas imaginer ce qu'on faisait aux toilettes, quoi. Oui. À part se curer le nez ou se gratter des parties génitales, je vois vraiment pas. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Moi, j'ai bien kiffé cette émission-là. C'était une émission de nuisance avec Al. Moi-même et toi-même, Mac Farid. Oui, Mac oui. Je crois bien, oui. Bah, ouais. Aujourd'hui, on a deux invités qui ne sont pas très bavards. Ils voulaient nous raconter comment ils ont survécu à un crash. Crash boursier. Un crash boursier, oui, évidemment. Ils se sont éclatés le sol, l'entrejambe. Dans les pieds. Voilà. Et donc, ils ont eu très mal, quoi. Très mal à l'ego. Ouais. Vous imaginez bien le crack boursier, quoi. C'est l'histoire de danse latinale. Des données posées. Je veux alors, du sucre. On rit beaucoup. On rit beaucoup sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Mais il nous arrive aussi de pleurer. Il nous arrive de pleurer, ouais. Apparemment, il y a des raisons de pleurer. Ne touche pas les invités, Farid, tu risques Macfa, parce que tu risques de les faire fuir. Non, non. Avec tes aises. Ouais. Et habillé de ce t-shirt rouge, je me sens comme un taureau Comprends. Une tauridor. Il y a la bonnette, si tu veux. La bonnette rouge. Oui, ouais, je devrais changer de micro, je crois. Certes. Voilà, on peut travailler maintenant. Vraiment, aucun sérieux sur cette station. Veuillez nous excuser. Il n'y a pas d'excuses à faire à l'auditeur. L'auditeur est auditeur. Soyez les slaves. Nous serons votre master. Les maîtres. Si vous êtes sur cette station et que vous vous demandez ce que vous écoutez, c'est normal. On est sur 92.2 Canal Sud ou bien canalsud.net sur internet. Tous ces internautes, à ce qui paraîtrait, vous serez 1000 à écouter cette émission. Moi, personnellement, je m'écouterai pas. Non, moi non plus, j'écouterai pas. D'ailleurs, je la produis pas cette émission, c'est clair. Une petite dédicace à Lily Walter. Non, pas de dédicace. Qui nous écoute en ce moment. À ne pas confondre avec Barack Obama. Barack Obama, ouais. Barack Obama. Ouais, ouais. Une petite dédicace à Barack. Et Pingoui, oui. Pingoui, notre ami, oui. Tremble pas comme ça. Il tremble en servant de cognac, ça me paraît évident. Ah. T'as mélangé sucre. Et bonjour à notre ami Cyrus. Il est où ton sac Ici. Tu l'as? Ouais. Vas-y, sors hein, ce qu'il faut. Parce que, d'accord. Là, on dèche. Ouais. On pêche. On va être un peu plus inspiré dans pas longtemps. Qu'y a-t-il dans le sachet? Oh yeah! si vous voulez, appelez 06 33 82 47 36 et essayez de deviner pour gagner. Non, c'est quelque pas chose. Ça, 05 61 53 36 95, c'est le numéro de Canal Sud. Vous allez être bien accueilli par moi-même. Pas rappelé, mais vous pouvez appeler. Appeler, oui, oui, oui, c'est sûr. À part si vous êtes rat. Si vous voulez le numéro personnel à Farid, il n'en a pas. Et c'est tant mieux comme ça. Voilà, personne ne m'aime. Et vous allez bientôt me détester. Mais c'est pas grave. Ça, c'est déjà fait. C'est l'anniversaire de Canal Sud. L'anniversaire de Canal Sud, entre autres. Qu'est-ce que tu fais avec un godemiché ? À ton avis, que peut-on faire avec cet objet ? J'arrive pas à le faire sortir. C'est venant de Farid, je vais pas faire passer. Non, c'est vraiment. Merci. Il y a des parasites anormaux. Ah, ils sont anormaux, les parasites ? Non, t'as déjà vu un parasite normal, toi ? On est sur Nuisance, 92 points. Yes, ou canalsud.net. Ouais, on n'a pas oublié. On l'a dit, là. On le dit. Hein. Il faut le dire tous les quarts d'heure, ce qu'on a. Sinon ! Oh putain, je viens de casser mon feu. Bon, Farid. Pourquoi t'as fait ça ? Monsieur, tu te sors les doigts du cul, tu fais du pognon maintenant, Farid. Oui, d'accord, bon. Okay. Alors, nous allons vous raconter comment suivre le cours de la bourse sans prendre de risques. Attention à la chute. Cherchez simplement l'inflation. On devrait prendre des gens en photo quand on met pas de sucre dans leur café, tu vois, et qu'ils s'y attendent pas. Ah ouais, clair. Parce que c'est vraiment horrible. Ouais, on devrait les enregistrer quand ils vomissent sur le micro. On devrait faire la même chose en te mettant de cognac dans ton café. Non, le cognac ça passe, c'est sucre aussi. Comme plein de cognac, ça passe un peu mal. Bon, je vais vous faire un son pourri, les gars. Et qu'est-ce que vous faites là ? Restez sur le micro. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars ? Ouais, je suis tout seul. Ils se barrent tous. Bah ouais. Et ils me rejoignent là. C'est de l'abandon. Ah, merci de me frotter alors que je transpire. Accompagnons là. Que tu veux ? Tu veux que les gens ils entendent quoi ? Si vous êtes partisans pour un pourri, c'est la tarte. Tous les jours. Oh yes. Rions jusqu'à n'en plus pouvoir. Il faut mieux mourir de rire que pleurer de rire. C'est un peu bizarre, pleurer de rire. Quoi donc ? Je crois qu'il vaut mieux mourir de rire que de pleurer de rire. Je croyais qu'il valait mieux mourir ou pleurer que vomir de rire. Oui, oui. Parce que vomir de rire... Il y a beaucoup de parasites là, je crois, de ton côté. Des parasites ? Non. Non, non. C'est sûr. Il n'y a pas un seul parasite. Il y en a deux ou trois. C'est sûr. Ça ferait du sang. Moi j'aimerais bien quand même savoir ce que les gens dans la radio, là où sont, partout dans le monde, dans leur voiture, chez eux, ce que voudraient entendre les gens. Et en plus. Entendre les gens quoi ? Je viens paraître. Ils voudraient quoi ? Entendre les gens quoi ? Ça va ? Savoir ce qu'ils veulent entendre. Ouais, ils veulent entendre des conneries quoi. Ils veulent nous entendre dire des conneries, c'est ça qu'ils veulent. Les gens ce qu'ils veulent c'est de la connerie, parce que la connerie c'est beau la connerie. La connerie c'est comme les imbéciles, ça rend heureux. Ça me rappelle une histoire. Vous savez quel est le poisson qui ne fête pas son anniversaire ? Le seul poisson qui ne fête pas son anniversaire, parlons d'anniversaire. Le seul poisson qui ne fête pas son anniversaire, c'est le merlan frit. Non. C'est trop cul, ça. Je sais pas, alors. Le poisson pané. Ah ouais, c'est vrai. Je m'en souviens de celle-là. La dorade, elle fait son anniversaire. Les bitonnets de poisson, Farine ? Oui, j'adore ça. T'es pédé comme une rire. On dit comme un fuck, non, d'habitude. Non. Non, comme une raie. Si t'aimes les bitons de poisson, t'es pédé comme une raie. Ouais, ou un fuck. Pédé comme un fuck. J'aurais même plus de couleurs. Qui a dit du mal des fucks ? Fuck ami. Non, mais des fucks. Défenseur animalier avec nous. Pas des fucks, des fucks. Des fucks ami. Défoncé par un fuck. Le fuck ami est une petite personne. Quand même. Ce qui est bien qu'on est à cette émission, c'est qu'on peut même se moucher pendant l'émission. On peut roter et péter, c'est une tradition dans l'émission aussi. Si tu veux t'y mettre, on peut m'offrir une cigarette. T'es bienvenu. Tu peux venir la chercher. Tu peux venir la chercher si tu veux ta clope. Passe bien le cognac dans le. Ouais, c'est génial. Ma foi, un café à 10h du soir, c'est Canal Sud, 92.2 FM et Canal Sud.net. Nuisance. On est vendredi soir pour ceux qui ont oublié que vendredi. C'est la nuisance. C'est le jour du vendredi. C'est le jour de la nuisance. Nuisance. Vendredi. Bon. Friday. Si vous avez remarqué, je suis sûr que dans toute l'histoire de cette chaîne radio, il n'aurait jamais pu observer une seule petite minute de silence. J'en suis quasiment sûr. Sérieux ? C'est vrai. Nous allons observer une minute de silence. Ça y est, c'est passé. Voilà, on a eu une minute de silence, les gars. Tu pourras pas dire ça. C'est mieux, ça. On parle là. J'adore qu'on confirme la relativité et ses principes de base. Principe quantique. Quantiquement inquantifiable. Un sale bâtard enculé de rage. Il me manque plus qu'une chose. Une belle grosse lentille. Une belle grosse lentille. Je crois que je vais devoir quitter le studio. Il se passe des choses étranges entre mes partenaires. De quel partenaire tu parles? Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Particulièrement partenaire. De canard en direction de la Méditerranée. Ou de l'Afrique. Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit, ribbit. Je sens ma chair se déchirer. Je sens ma chair qui s'en va. Elle part, elle s'envole. La voilà qu'il prend des ailes. Qu'il commence à bandir. Qu'il s'en va. La voilà qui tend son sexe pour se transformer en sexe. Et s'en transformer de son dire. Et à dire que le transformeur ne pourrait être à dire un jour, car elle n'était pas un homme, mais ni une femme, et que la femme devenue un homme ne retrouvera pas son état d'âme. À se le dire, le paradis n'est pas dans le ciel, et que le septième cieux n'est pas l'un de ces sièges que ne peut maudire. Le paradis est dans le sexe. Une substance immaculée par le cerveau, une dopamine qui s'enfermine, se met à bondir et à rugir, et une lune pleine qui ressemble au poste. Un transformiste, à force de se transformer, ne peut plus être une transformation, car c'est une mutation en constante évolution. Ah, ils ont muté, on se fait zapper, et que le Z soit le propre. Ok, écoute. Nous avons comme projet de raconter une blague. Raphaël doit réagir plus vite que nous. Hein, Chloé. C'est qui, Chloé? C'est qui, Chloé? J'avais envie de dire ça. Ah, vous avez envie de dire... pardon, excusez-moi. Par contre, moi, ce que je parlais, c'était la situation actuelle au Guatemala. Je trouve qu'elle est assez terrible, quoi. Et j'ai envie de vous apporter un peu d'éclaircissement. Il se trouve que, merde, la cassette est cassée. Voilà. Wex, c'est la cassette qui est cassée, quoi, qui fait wex. C'est bien fait, non? Oui. Oui. La situation actuelle au Guatemala est wex. Ouais, je vous mets plus de volume. Tu le fais bien, wex. On oublie la blague, quand même. C'est quoi la blague? Cette blague. C'était une blague, ça? Mais il faut faire rire les gens, quand même. Non. Ça dépend de quoi. On n'est pas là pour là. On n'est pas là pour là. Non. On n'est pas là pour là du tout. Non. On n'est pas là pour l'art. Non. Non. Non. Le l'art? Quel l'art? Le l'art. Le l'art. The l'art. Mais là, c'est à l'envers, en verlan, ça fait al. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se foutent de notre gueule très très loin de nous. Ah ouais, sérieux? Qui se foutent de notre gueule? Je vais leur faire mal. On aimait là. T'assure, catchy. En pensant à toi, mon amour. Et en ta présence. J'ose imaginer, j'assure, effectivement, je fais tout ce qu'il faut, que tu ne me dises pas le contraire. On est où là? Comment dire? Je porte les gens qui sont trop fiers, mais je n'applique pas pour me défendre de ne pas avoir changé. Comment dire? Joie de bordel monstre, autrement dit. Accro, manger une du lard éternel, manger. Un esprit qui se périt. Boire du lard. Oui. Boire du lard. Une constitution qui se met à constituer. Une considération obtuse. Un émancipatoire vérité de traverser la prairie filtrée par un café un trop fort. Trop fort le café. Donnez-moi un substitut. Je ne puis vomir sans me un tâcher. Un substitut, s'il vous plaît. Sans me tâcher le trou de balle. Un substitut. Le trou de balle, Al. Un substitut. C'est très abstrait. Un stupitut. Un stupide tutu. Moi. Tuez-moi. Tu es moi. Le monde éternel, le monde, consomme. Un substitut qui se met à substitut. Parlons des filles. Parlons des filles. Les filles ont des gros vagins. Les filles ont des gros culs. Je cautionne pas. Des petits pieds. Je le connais pas. Les filles ont des longs cheveux en cliché. Et les filles, elles sentent mauvais des pieds. Aussi, elles sentent mauvais du vagin et du cul. Et elles sentent mauvais, un point c'est tout. Parce que les filles, c'est pas comme les hommes c'est beau. Et les filles, c'est moche. C'est pour ça que les images, on les brûlait. Oui. C'est pour que ça sente un peu moins mauvais. Voilà, ça sentait le bœuf grillé. Surtout les rousses. Épurer la planète. Sorcières, manipulatrices. Oui, ce sont de villes sorcières. Les riches filles sont de villes sorcières, c'est horrible. D'ailleurs, je suis manipulé par l'une d'elles. Il n'y a pas que les riches filles. Elles me manipulent, elles me disent que je dois vous tuer tous. Et je le fais parce que je veux elles. Je veux les filles. Donc je vous tue tous pour avoir les filles. Et ensuite, j'ai pas la fille parce que la fille, elle me lâche. La fille, elle me jette. La fille, elle me traite comme une merde. Et c'est l'enfer. Al s'appelle. L'enfer sur terre. Al s'appelle. L'enfer sur terre. Al s'appelle. L'enfer sur terre. Al s'appelle. L'enfer sur terre. Al l'enfer sur terre. Al l'enfer sur terre. Al l'enfer sur terre. Al l'enfer sur terre. Al l'enfer sur terre. Al s'appelle. Al l'enfer sur terre. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. I can smell hell. I can smell. I can smell the hell. I can smell the halal. The halal smell. Halal smell is in my word and in my veins. I can see. I can feel. I can hear everything going away. I can know, I can finally know, the answer to glory is the box is glorious, burning away, crumbling, fond, ça fond, fondant, ça fond ailleurs, et ça va loin, dans le tréfonds de leur âme, et ça brûle, et ça fond, et fondant, ça continue, et ça continue à fondre, et ça fait effondance, en fondant, et je ne sais pas comment touiller mon café. Je ne sais pas comment touiller mon café. Je ne sais pas comment touiller mon café. Je ne sais pas comment touiller mon café. Je ne sais pas comment touiller mon café. Je ne sais pas comment touiller mon café. Cherche sur ton corps, tu trouveras la solution. Café. Café. Café. Merci. Mets-nous dans un endroit, un endroit très spécial. Je crois qu'on est tombé au plus bas. Devinez qui a la guitare. Je suis sûr qu'il y en a qui rigolent, mais vraiment beaucoup. Ne laissez jamais toucher une gratte à un farigolé. Ne vous approchez jamais d'un farigolé. Un farigolé. Un farigolé. Un farigolé. N'écorche pas les espèces à nous. Heureusement qu'il y a du cognac et du rhum. Ouais, je vous ai. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je sais pas, on est là, tout dans le micro. On sait pas ce qu'on fait là, mais on est là. C'est vrai qu'il y a moins d'une heure, je savais même pas que je l'ai vu ici. C'est moins d'une demi-heure. Les auditeurs. Comment fait-on pour casser les dents d'une blonde? Je vous laisse réfléchir. Je pense qu'un coup de poing, ça devrait suffire. Tu la mets dans le garage. C'est une possibilité. Ah non, on n'a pas le droit de frapper une fille. Tu éteins la lumière. Non, sans la taper elle-même, qu'elle se casse les dents. Une blonde. Il faut la faire rire très fort. Tu la mets dans le garage et tu éteins la lumière. Non, tu dessines une quéquette sur un mur, ça devrait suffire. Voilà. On y est. Et maintenant, on fout le boucan. Ça veut pas dire que j'aime pas les blondes, hein. J'aime bien les blondes. Moi, j'aime pas les blondes. J'aime que les brunes. Ça tombe bien, t'es black. Chouette. Une blague de merde. C'est pas de la noise, Farid. C'est pire que ça, tout, c'est du blues. I got the spleen tonight. I got the spleen tonight. I got the spleen, the spleen, the spleen, the spleen, the spleen, the spleen, the spleen. Farid, tu veux pas faire quelque chose d'intéressant? On va parler de PokerStar, c'est un sujet qui touche plein de monde. Surtout Farid. Et j'aimerais savoir en fait pourquoi ça se répand aussi vite. Je sais pas, au moins parler de quelque chose. Je crois que c'est une addiction qui doit être à la base d'une forme de substitution. Oui, parlons de l'anti-sévérité. Quelle substitution? Parlons de par la exemple, émancipatoire, transparence, la... vérité. Peut-être que certains développent une certaine forme de féminité dans le poker. Satan l'habite. Oh, la régie, elle se suit pas trop là. Quoi? Attends, on essaye pas... de philosopher là, bordel. T'es en train de dire que le poker, Satan l'habite. Toi, tu me dis que la technique a un problème. Il y a un problème à la technique, c'est ça que tu dis? T'étais resté sur les blondes en fait, c'est ça? Je crois que le micro bleu est trop fort. Non! Coupez-le! Ah! C'est bien. Ouais, je préfère te parler, attends. C'est vrai que je préfère faire autre chose, non? Et nous avons un performance en live, ouais, de Macfa. Ouais. Prends-la dans les bras. Une performance en direct donc de Macfa sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Oui. Ah ouais. Radio. Dans l'émission Nuisance. Et c'est une émission anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de Nuisance dans Happy Nuisance. To you. Chantez avec moi. Happy birthday to you. Sachez-le, auditeur, c'est enregistré. C'est le cas schizophrène que j'ai jamais vu, quand même. C'est pas pour vraiment plein de gens. Happy birthday to you. Le président n'est pas devant toi, Farid. T'es pas blonde. Happy I'm the president. Oh yeah. Bon, buvez du rhum, les invités. Buvez du rhum, les invités, parce que vous êtes invités. Et justement, profitez-en. Je serai toujours celui qui fera juste le portail. vraie radio. La voix est libre. C'est ça que je trouve bien. C'est que c'est au moins une radio où il y a des vrais gens. Ils sont pas régis par l'argent et par tout ce système. Puis on peut dire n'importe quoi parce que la voix est libre, les auditeurs sont pas devant nous. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Il n'y a aucune limite. Oui. Aucun tabou. Tout est liberté. Parlons des femmes. Ah, les femmes. Parce que après ne pas savoir pourquoi on est sur Terre, c'est la deuxième question. Pourquoi les femmes? Moi, je dirais que la question est la femme ou l'œuf? L'œuf. Qui était là en premier? L'œuf ou la femme? Ah, ça tombe. Ah, mince, ça tombe pas des œufs. Merde. T'es sûr? Ah oui, mais oui, c'est vrai. Mais si ça pond des œufs, non? Comment ça marche? Ça baise. Et après, ça pond des œufs. Ah, j'avais raison. Je crois, mais je suis pas sûr. C'est mes parents qui m'ont dit ça. Faudrait demander, faudrait appeler une auditrice. SOS Amitié. Ta mère est une Ma mère est une grosse pute. Non, n'essaye pas avec votre mère. Naissance. Pour toutes les billages, ma femme. Aussi avec tes cousines, hein, j'en connais, moi. Traître. Leur cousine, traître. Jeune comme la crucifixion. Quoi, regarde, tu paries dans les anciens. Comme la crucifixion. Oh, pardon. Il y avait pas remarqué de quoi on parle, quand même. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris très très loin d'ici. Je présente tes cousines. Parle de cousine. Il approuve. C'est bien. On n'est pas partisans du consanguinisme ici. Non, on n'est pas partisans de rien du tout d'ailleurs. Se casse, on n'est pas partisans ici. On l'a vexé. Oh, c'est bon, Farid. Bah, si vous voulez rencontrer de belles cousines, téléphonez. 0561 53 36 95. Canal Sud. On est où là? Canal Sud. Non. C'est quoi ça? Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça bouge tout seul? J'ai aspiré! Mais ça bouge tout seul, mec! Merde! Je suis là, une distorsion! Bref. Ça tarde à venir. Mais l'aurore est là. L'aurore est boréale. Boréale comme l'azur. L'azur. Des couleurs partout! Il laisse des auréoles sous les bras. Et sous les bras, ça pue parce que quand je mets le nez dedans, ça dort. Quand ça moisit, ça fait des couleurs bizarres, ça gratte très fort. Oh que ça gratte, ma chérie, oh que ça gratte, vas-y gratte-moi, ma chérie. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, j'espère que vous y croyez. Oh oui, oh oui, oh oui, je suis en train de faire une expression oratoire. Oh oui. Bon, qui aime Farid appelle le 05 61 53 36 95. Demande de revenir au studio. Il faudrait que le téléphone soit décroché, les gars. Si vous votez pour Farid, tapez 1. Si vous votez pour Samy, tapez 2. Et si vous votez pour Draco... Non, il n'y a plus de touche. Là. Votez pour lui. Ouais. Qui, lui? Moi, je vote pour la vote. Je ne suis pas celui qui a demandé à voter. Ah, d'accord. Je crois qu'il s'appelle Abdelaziz. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net et c'est actuellement l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Tout ce qui nuit au sens par la distorsion des choses. Car tout n'est que pleine évolution. Oui, pleine évolution. Mutation constante. Oui, mutation rôle, et changement. Changement, oui. Beaucoup de changements dans la vie. Comme une chenille qui se transforme en papillon. Oui, un jour, une métamorphose comme Kafka. Oui. Ouais. Kafka qui s'est transformé en cafard et qui a préféré se laisser crever que de donner la vie à d'autres cafards comme lui. Kafka qui est mort à présent car il était antique. Kafka. Le taux d'audimat, il est de combien là? Là, il doit être à zéro environ. Il doit être à zéro environ. On est déjà 4. Ouais, parce que chaque fois que je demande d'appeler, il n'y a personne qui appelle quand même. Ouais, bah n'appelez pas alors. Comme ça, ils apprennent voilà, pas. Voilà, c'est une bonne chose. N'appelez pas le 05 61 53 36 95. N'appelez on ne vous pas, répondra pas. Non, on ne vous répondra pas. D'ailleurs, le téléphone est raccroché. Donc, c'est... Enfin, non, décroché. Donc, c'est justement le problème. 05 61 53 36 95. Vous n'aurez qu'un bip, bip, bip. Vous voulez l'entendre ? Je vais le mettre. Voilà, écoutez bien. Bien, écoutez allô bien, c'est le allô téléphone. Allô, chérie. Le téléphone allô de Canal Sud. Allô, allô, allô. Vous avez le téléphone de Canal Sud. T'es passé en live. Reviens à la maison. En live. Tout de suite. Vous avez le téléphone de Canal Sud. Tout de suite. Vous êtes en live et vous avez le téléphone je de pas Canal de mal. Sud. Je te ferai pas de mal. Le 05 61 53 36 80. Tu reviens de suite. Le 05 Samichka. 61 Samichka à la maison 53 là. 36 oui, 95. Oui. Hein ouais. Hein t'as confiance en moi Bon, t'as confiance maintenant. C'est bon, je l'ai rassuré, je l'ai rassuré. Il suffit de... ton précieux quelques trésor. Quelques caresses. C'est le Hobbit Joufflu qui nous l'a volé. Le Hobbit Joufflu. Et moi j'ai un grand moment de tendresse, j'ai envie de faire un bisou à tous ceux qui se sentent seuls et qui se sentent oubliés, délaissés. Donc Waouh. Voilà. J'ai jamais entendu un bisou aussi précieux. Merci. Un précieux trésor. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en veut. Il faut pas que tu trouves trop de compagnie dans ton micro, Samy. C'est pas en embrassant le micro que ça changera. Embrasse ta bonnette. Chacun sa bonnette, les gars. Je ne veux pas, je ne veux rien changer. Moi, je prends la bonnette noire. Qui c'est qui veut la bonnette jaune? Qui veut la bonnette orange? Je voulais changer quelque chose. J'avais juste envie de faire un bisou. Qui veut la bonnette bleue? J'ai pas dit que je me sentais seul. La bonnette. La bonnette. Oh oui, la bonnette. Farine, là, tu me fais sentir moins seul. Oh, c'est ton oui. Concerto de bisous bulleux. À bonnette. Non, c'est pas des bisous. Des ça. Bisous à bulle. À bonnette. Si c'est des bulles. Eh oh, bulleux. Le micro, là. Non, c'est pas le micro, c'est la bonnette. Mais vas-y, fais sortir ça de là, quoi. C'est des coups de langue salivaires. Ah non, c'est dégueulasse. Faites pas ça, enlevez pas ça. C'est la non, capote. Ne mange pas le micro. Il paraît que quand on frotte là, il y a un truc bizarre qui sort. Je sais pas, mais je vous baisse. Voilà, vous êtes baissé maintenant. Il y a que moi qui suis monté. Et on entend que moi, il faut pas toucher les micros. Monté comme un taureau. Oui, je suis muni d'un appareil génital monstrueux, je sais. J'avoue. J'avoue ma faiblesse. Il montait comme un taureau et il descend comme un cheval. Ouais, et je suis quasiment sûr qu'il y a des gens qui sont là à rester à écouter ce qu'on dit. Hein. J'espère pas. Résiste. J'espère pas, sinon je suis foutu. Je crois que la radio va fermer. Pas peu de malheur. Impossible. L'outil. L'outil est un objet qui peut servir. Est-ce qu'on se sent obligé à utiliser l'outil ou est-ce que l'outil nous oblige à l'utiliser? Oui, mais si nous construisons l'outil, c'est bien qu'il doit avoir une utilité. Un micro-ondes? Non. À son utilité. Utilité. Outil. Comment j'ai brûlé des fourmis, moi, maintenant? Ah, merde. C'est comme penser ou penser. Penser, c'est plaît. Mais nous ne construisons jamais quelque chose sans but à sans la buter. Chose. Sans buter. Sauf les espèces de tags que l'on peut voir sur certains murs. J'ai une idée pour qu'on nous appelle. On va faire passer un message à tout le monde. Et en fait, ceux qui veulent qu'on parle de quelque chose ou qu'on débatte de quelque chose, il va nous appeler et nous dire de quoi on veut parler. De quoi ils ont fait pas de dédicace à Canal Sud. Comment je on peut se sentir donc on va pas leur dire. Pas de débat. Non, mais c'est pareil, c'est le même principe. C'est genre, vous nous appelez et on vous passe un truc pour vous faire plaisir. Et on fait pas ça ici. Appelez on le rien pas passé, ici. Non. On veut discuter d'un sujet. Appelez le doc. Alors maintenant, cette c'est vrai, radio s'est transformée. Nous sommes les maîtres de la radio. Ils ne sont pas aux ordres de pauvres auditeurs. On parle de nous. À des gens qui sont comme nous. Enfin, genre, quoi, parce que c'est des gens, déjà. Ah, c'est nous, vos problèmes. Et ils sont comme nous parce que c'est des gens. Ils ont des yeux et des bras, à part ceux qui les ont perdus à la guerre. Il y a des gens d'en haut, ça n'existe plus. Raconte-nous les gens d'en haut. Je parie qu'ils sont universels. Je sais pas ce que ça veut dire, comme nous, non plus. N'aie pas peur. À des gens. Alors, je sais pas, moi, tout ce que je veux, c'est foutre le bordel. Un soir, j'étais dans ma chambre. Si on parle comme ça à quatre, c'est mon début. Par personne, par couple de deux, genre, par diptyque. Moi, j'étais pas par diptyque, et ben et ça marche. Après, quoi. Je suis parti, vois, parce que c'est le bordel et on comprend rien. Et puis après, je crois que j'ai piqué tu m'as rencontré dans les bois. Vas-y, je t'en prie, viens. Mais moi, je suis viens parti au marché, et puis Je me suis senti seul parce que j'avais pas d'argent pour acheter des fruits. Mais t'avais des fraises. Mais j'ai eu des fraises parce que je les ai cueillies dans les champs. Mais il m'a fallu une voiture et gaspiller du pétrole pour pouvoir y aller. C'est dommage. Est-ce que vous avez un jardin chez vous ? Je sais que les fraises coûtent moins cher que le pétrole. Il faut. À s'en dire. Quoi que la valeur des choses pourrait changer dans l'avenir. Peut-être que l'outil a son utilité. Mmh. Mais. À quoi peuvent bien servir les fraises ? Si on arrêtait d'utiliser. Oh oui. Tous les outils. Il n'y aurait plus d'outils. Utilise-moi. Non. Parce que utiliser, c'est utiliser un outil. Utilise-moi. Mais si on n'utilise pas ce qu'on peut utiliser, ce n'est plus quelque chose d'utilisable, donc ce n'est plus un outil. Utilise-moi. Alors si on arrêtait de penser même, est-ce que on renaîtrait dans une différente forme ? Oh oui. Mais nous ne pouvons pas arrêter de nous utiliser, parce que à ce moment-là, nous mourrons et nous utiliserons le terreau de la terre. Farid. Oui. Mais nous sommes que cendres et nous redeviendrons cendres. Et nous fertiliserons la terre, donc nous sommes condamnés et damnés à être des outils. Une abréviation. Nous serons tels l'éphémère. Ou même peut-être... Le papillon. Une crotte. Une crotte sans aucune utilité. Si, faire pousser des champignons dessus. Entre autres. Peut-être que par son propre amour, ou l'amour de celui qui t'a fait naître, une matrice qui se retrouve à se réjouir du bien-être de ta mort, à croire que chaque mort arrive à créer le bien-être en lui-même, et que peut-être que à travers cette petite mort, nous pouvons réincarner... Une grande renaissance. Une grande renaissance, oui. Est-ce que tu le sens, là ? Oui, je le sens dans tous mes sens. Renaissance des sens. Mais oui. Mais ce n'est pas si absurde que ça. Cela veut-il dire que je suis mort ? Non. Je crois que tu es René. Mais si je suis René, je suis mort ? Non. Existerai-je ? Tu as arrêté de penser et tu es face à moi. Ah. Je vois encore tes yeux gluants, respirant la vie. Vitreux. Les voilà qui sortent de ses orbites. Et à son exorbité, je les sens là toucher mon corps, glissant le long de mes tétons. Une bite. Vite, une bite. Mes poils se mettent à frissonner, à s'hérisser. À frémir. Oui. Et me voilà à frémir. M'arrive-t-il ? Oh, d'impatience. M'arrive-t-il ? D'excitation. Que fais-tu ? Un désir. Que fais-tu sur ma personne ? Ou une pensée ? Non. Ou une action ? Une bite. Non. Vite, une bite. Non. Voilà, à ta vie, le septième cieux, encore une fois. Ça y est. Celui qui n'a pu être décrit ou écrit. Ça y est. Voici. J'ai bu mon café dans un cendrier. J'ai bu mon café dans un cendrier. L'autre moi est arrivé grâce à toi. J'ai bu mon café dans un cendrier. Ton destin, ce n'est une perception de choses. Boire le café dans un cendrier. Sans même penser. Qui tôt ou tard. Qui n'a que. D'un instant à l'autre pourrait te bondir dessus et faire des choses. Nature propre. Moi des choses. Individuelle, totalement subjective, sans aucune normalisation. Une créature qui ne serait votée. Et qui ne serait tuée. À part pour se nourrir. Car elle est immortelle. La voilà, dracorisée. Draconienne avec censure. C'est le sensu qui suce. Elle s'obtue et glissante sur la chaleur du bétume. Il a ouvert le sanctuaire. Je le la sens. La voix est libre. Il est là. Petit mais en même temps grand. Il s'approche. Innocent et pertinent. Fiche. Constant, fuis. Omniscient, prétendant, il est partout, comme il un messie, dévoré. Il avance, sans aucun propos, lourd comme le silence, il s'habille, C'est pas mauvais ce ganja. Ce que je veux, c'est crever. Mais oui, mais en liberté. On y arrive. Tu vois que... Comme une évasion de l'âme qui s'évapore dans le son et guide son corps. Comme une évasion de l'âme qui se morfond. Il ouvre la porte. Yo, bitch! Blood and gore everywhere and guts and I'll picture up and I'll fuck it. Fucking the ass. It's a fucking bastard from the Dorad. Prends et je le retourne et je l'enculé avec cette saloperie de bite qui me fait passion. Et cette bite, elle me fait passion et moi je baise. Et moi je baise en crachotant sur la bonnette du micro et je la frotte avec mon doigt et ça me fait mouiller. On n'a pas tous le même délire. Ça me fait mouiller du cul. Ça, c'est la chaleur, ça. Ouais, ouais. Des fois, les hormones dépassent les taux normaux. Une fois, un soir, c'était la fête de la musique, et je croyais que je m'étais chié dessus. Sans déconner, t'avais pris quoi? Il faut pas le dire, ça. Il faut pas le dire. Il me semble m'écouter par des millions de personnes, s'il te plaît, Farid. Des millions, non, c'est pas de gaffe. C'était ah, des milliards, dis-nous. désolé. Je la voyais, des je la voyais là. Entendre, en cette merde, substance là. Marron dégoulinée le long c'est de mon pantalon. C'est toutes les personnes dans mon cerveau de peut-être pneumomaniaque. Comme s'il y avait au moins une cinq personnes qui avaient chié dans mon froc. Je me sentais totalement possédé. Je voulais je me jeter dans la Garonne. Possédé par la merde. Possédé dans la Garonne. Oui, oui. Possédé par la merde. Possédé totalement. Non. Flotté. Je me suis réveillé. T'étais endormi ou t'es tombé? Non, j'étais réveillé. Excusez-moi. Mais je me suis réveillé. De ton réveil. Comme si j'étais réveillé. Et puis tu t'es réveillé. L'émission puis, amusant, c'est une émission qui nuit au sens. C'est les poissons qui te mordaient les couilles, je crois, qui t'ont réveillé. L'émission nuisant, c'est une émission qui nuit au sens. L'émission nuisant, c'est une émission qui nuit au sens. Au sens qui nuit eux-mêmes à la perception, car il a des formes de trop. Ne vous ennuyez pas. Vous êtes avec nous. Nous on s'ennuie pas. C'est peut-être pas la même chose de l'autre côté. C'est clair parce que non, quoique moi si c'est marrant. Dans le studio on picole, on fume des potes. Allez-y, fumez, buvez autant que vous voulez. Podcast. Bon, on a l'approbation de la régie, c'est bon. Mais c'est surtout la régie qui nous drogue depuis tout à l'heure en fait. Ouais, la régie approbe. La régie nous voue à notre perte là depuis tout à l'heure. Allez-y, buvez. Ouais, t'inquiète pas. Vous avez plus rien, je parie. Vous avez plus rien à boire, je parie. Ah si, il reste du rhum. Bah allez-y, buvez du rhum. T'as vu comment ils sont. Ouais, mais comment ils nous poussent là à boire. Enfin, je suis sûr, il veut faire des choses avec nous après. C'est, ça sent, c'est douteux. C'est douteux. Tant qu'il paye, ça va. Ouais. Attention, reste un petit peu sobre pour nous défendre. Ça. Pour vous défoncer, je resterai sobre. Et ensuite, pour faire des choses avec vos cadavres, j'aimerais bien faire des choses avec vos cadavres, les gars, mais une fois que vous êtes morts seulement. D'accord. Moi aussi, j'aurais le droit de faire des choses avec mon cadavre. Tu pourras faire tout ce que tu veux avec ton cadavre, si tu veux. Trop bien. On n'aurait pas dû l'amener, Farine. Il est encore plus autiste que d'habitude. Bah ouais, quand il sait que tout le monde l'entend, c'est encore pire. Hein. En fait, tout le monde, tu veux dire un demi-auditeur. Malheureusement pour Canal Sud, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'émission nuisance, l'émission qui nuit au sens. Aujourd'hui, c'est une date et anniversaire. Et là, nous nuisons à l'émission aussi. C'est la date de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 24 septembre. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, eh bien, c'est au 40 rue Alfred Duméril. Vous mettez cadeau d'anniversaire pour Al, H-A-L. Ou sinon, vous appelez au 05 61 53 36 93. Je répète, le 05 61 53 36 95. Je répète encore une fois, juste au cas où, 05 61 53. Et puis merde, j'en ai rien à foutre. Appelez-moi pour faire des dédicaces et tout ça. Il n'y a pas moyen. Vous êtes sur Canal Sud, il n'y aura pas de dédicaces. Mais appelez-moi quand même. Nous offrons nos cadavres à Al pour son anniversaire. Si vous voulez en faire de même, appelez-nous. Don à la science musicale. Nous avons tout le matériel nécessaire pour vous permettre de vous transformer en cadavre ici même. Voilà, nous avons une cuillère à bascule et un petit potiron. Après, votre corps sera bouchon utilisé afin de faire de la nuisance sonore. Donc des bruits assez... particulier, basé à base de craquement d'os, de... Ouais. On peut manger aussi. Ouais. Ah! Putain, tu peux bien craquer. Ah! Putain, ça... Mais ça fait... Il vient de mourir, là, c'est bon. Il craque encore. Hein. Ouais, putain. Jojo. Jojo. Ah ouais, il est bien mort. Hein. Putain, il y a un lapin dedans! Oh, putain, il nous cache des choses, hein, ce petit Joe. Oh, je l'ai dans ma tête. Ça te trouve le cul. Qu'est-ce que tu insères dans la fente? J'ai mis un CD dans le lecteur CD. Ça ressemblait pas à un CD ce que t'as inséré là. Ça ressemblait à quoi? Tu vas me dire que c'était pas un lecteur CD bientôt. Farine ne parle plus. Il a fait des bruits bizarres. Non, il s'est transformé en autiste de la guitare et des roues et... à l'occasion du beatbox. C'est du téléphone. Notre grand artiste. Il est l'heure de vous ne dire. Ne finis pas d'achever mon téléphone. Vous êtes bientôt mort. S'il te plaît. Non. Tu vas attendre pour les cadavres encore un peu. J'ai niqué ta sœur avant de mourir encore. J'ai niqué ta sœur. Défectueux avorté, ça vous dit. Ah bon? Oui. C'était quand? Il y a 3 semaines. Ah mais merde, t'étais là en même temps que moi. Il était midi. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre de l'autre côté de ma sœur. Il y avait quelque chose de l'autre côté. C'était quoi? Putain, t'es vraiment discret, Farid. Sinon, tu vas faire du son trop tôt. Ne t'endors pas non plus sur le micro. Bois un peu de rhum. Bah. Ça va te réveiller. Pétard. C'est quoi un pétard? Un pétard, j'ai dit. Il y a un pétard. Des trucs que j'ai pas dit. Ah, pardon. Pas être bourré, écoutez ce que tu veux là. C'est assez soporifique le son de cloche, je trouve. Ça fait glauque aussi. Mais cette radio est assez glauque depuis tout à l'heure, je sais pas si tu as remarqué. Partons, nous faisons des fous rires. tous mourir. Je vous le rappelle. Ouais. Cette soirée va finir en carnage. Ouais, tout à fait. Après le rapport, le rappel. Tu veux pas refaire du café, Farine? Allez, ma petite femme. Ça lui donne du cul, tu fais du café maintenant. Ouais, et plus vite que ça. Si tu fais pas du café, t'es mort. On est tous morts, mais t'es mort quand même. En premier. Le premier. Voilà, on est tous morts, mais t'es mort en premier. T'as gagné, mec. T'as gagné. Il a gagné. Bon, bah, Farid pour la soirée anniversaire, plus, on a trouvé le gagnant, quoi. Ouais. On a trouvé le gagnant, c'est McFa, quoi, qui a gagné donc un voyage en direct de la Lune jusqu'au Zébulon et ensuite à la nébuleuse de l'atrophie mentale jusqu'au paradis terrestre. Monsieur McFa, vous avez gagné un aller direct au paradis terrestre, celui de la richesse pécuniaire et de l'émancipation par la liberté de dépenser son fric comme un gros connard de merde qui pue. Vas-y, dépense ta thune, Farid, et oublie-nous tous, tous ceux que tu as connus, parce que finalement, t'en as rien à foutre de nous. Toi, ce que tu veux, c'est de la thune, et du pèse, et du flouze, et des putes, et des salopes, et des biatchs, et des voitures, et des plein salopes. De trucs, des diamants, des bagouzes, un bombers, des nouvelles paires de lunettes, une mob... une Peugeot 51 machin, c'est mob qui fait du et sinon elle fait bim bim aussi et elle fait du tout le temps tout le temps, et c'est ça que tu veux nous quitter pour une mob, tu te rends compte mec, tu veux nous quitter pour une mob, tu veux nous abandonner pour une putain de MBK VR club de merde. Il y a pas besoin d'argent. L'enfer, c'est les autres. Du moment qu'il n'y a pas les autres, tout est à toi. C'est le paradis. Sur ces beaux mots, vous êtes sur Canal Sud 92.2 et vous allez tous crever. Un beau jour. Ne vous inquiétez pas. Une fois l'émission finie, nous allons nous occuper de vous. Gratuitement. Ce studio, j'ai l'impression que ce studio transforme les gens. Je sens mon esprit muter petit à petit. Ça mute. Putain, nous n'entendons déjà plus Farid. J'ai l'impression qu'il est... Il a déjà commencé la mutation et un stade critique. Samy a l'air d'aller encore bien. Quant à moi, je sais plus combien de temps il me reste. Je te prendrai dans les bras et nous irons tous les deux. Marcherons et irons vers où coule la substance que nous aimons. En tant que bon amant, nous irons boire jusqu'à en perdre la tête. Et quand il sera plus tard, nos deux corps s'entrechoqueront. À s'entrechoquer, j'aimerais te retourner et sentir ta douceur, cette paire blanchâtre qui sert à sécréter le marronâtre. Oui, sécrétons le marronâtre. C'est de cet âtre. Ouais, j'aimerais faire une peinture à ton issue. À mon issue, de trou du cul. Et à ton insu, te faire crier. Sentir tes membres s'entrecasser. Ta tête s'entrechoquant contre la mienne. Entrechoque ma tête. Ta cervelle glissant le long de tes orbites. Explosant, coulant le long de mes orbites. Et que le beat s'accélère. Tel un boum boum atrophié. Boum, boum, boum, boum, boum, boum. Il ne reste plus boum, qu'un un trop. Boum, le rythme du cœur dans le beat. Boum, dans la beat. Boum, le beat. Dans l'abysse. Ça sera le tronc le plus sexy du monde. Boum, dans l'abîme. Boum, boum, le tronc. Je prendrai une photo et je l'enverrai à Playboy Magazine. Boum, Playboy, Hustler, Penthouse. Têtu se battra pour toi. Baiser, toujours baiser. À ta mère. Baiser ma mère, toujours baiser ma mère. Toujours baiser ma mère. Se sentir. Baiser ma mère. Comme l'esprit draconien qui vient de sentir pour une fois la première odeur du plaisir. L'odeur fétide d'un plaisir cyprineux qui coule le long des jambes en sang. Et le sang coule, et le sang pue, et le sang colle, et le sang tue. Rion. Oui, oui, oui. Je n'ai qu'à dire ça, oui, oui, oui. Et la soirée continue, oui. On pourrait un jour me maudire, car j'aurais fait un crime. J'aurais assassiné la chose la plus belle à mes yeux. L'amour rend fou, et la folie est amour. À sans dire, sans argent, j'aimerais être heureux. À sans maudire, je ne devrais jamais rencontrer ton cul. Qui pue. À ton insu, je te retourne et je te jette contre le mur. Ta bouche. Il faudrait qu'on arrête de laisser la parole à Farid. Et mon cœur. Ton cœur. Mon cœur. Ton cœur. Un petit chaud, peut-être. Vas-y, on abat Farid. Abat les jambons. Vive les gens cons. Alors, Draco, c'est quand qu'on va au Maroc? Abat les jambons. Vive les gens cons. Dans le nord, c'est mieux. C'est la forêt. Enfin, ça dépend quelle forêt tu parles. Nous faisons cours de géographie maintenant. Nord du Maroc, c'est vert. C'est vert. C'est très vert. Je croyais qu'il n'y avait pas de nature au Maroc. Aucune plante. Non, ça c'est Mars. Un gros bisou à tout le monde qui nous entend. Nous allons tous crever. Très optimiste. Nihiliste, s'il te plaît. Réaliste, réaliste, pardon. Oui, oui, réaliste aussi. Tu fumes trop, Draco. Non, t'as vu mes clopes. C'est vrai, c'est une allumette. Tout, j'ai fumé du bois et du soufre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir? Pas tout de suite, non. Fumant de clope. Non, pas top. Il faut accélérer le processus. Avec des pétards, c'est mieux, hein. Il faut aider la vie à faire son œuvre. Oh, du rhum, c'est une bonne idée, ça aussi. Merci, chef. Il faut aider la vie à faire son œuvre. Accélérer le processus. Heureusement qu'on est bien payé pour faire ça, hein. Oh, vas-y. Ouais, nous avons oublié de préciser que nous avons touché 300 euros pour animer la soirée. Et que vous pouvez participer. C'est un travail très dur. Qu'on vient de répéter, si vous arrivez à vous en rappeler. Vous pouvez nous donner de l'argent. C'est un peu trop tard, hein, quand même. De quoi, pour appeler le numéro? Ouais, ouais, parce qu'il suffit d'appeler, de s'inscrire, comme ça tu peux venir parler, t'es payé 300 euros, comme ce qu'on a fait. Ouais, voilà, vous avez gagné 300 euros. Les gens, ils peuvent aussi appeler et nous donner de l'argent. Faudrait avoir le numéro, quoi. Ouais, le numéro c'est 0561. Non, on l'a donné tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi, c'est pas le 0561. S'ils arrivent à s'en rappeler. Voilà, bah c'est celui-là. C'est le 05-61-53-36-95. Indicatif. 05. Non, 0033. 0033. Tu crois vraiment qu'on nous écoute à Marrakech, là? Non, mais je suis sûr qu'on nous entend au moins à Casablanca. Casablanca. Oui. On t'entend, Al. Ouais, je sais qu'on entend. Pour faire du bruit, non, quoi. Parce que le ventilo, si tu mets sur un micro, eh ben ça fait fou. Tout le temps, je sais. Farid est On l'entend plus, quoi. Il a fait un truc bizarre, là. Est-ce qu'il en a marre d'entendre Farid ? Farid par-ci, Farid par-là. Farid ne se supporte plus. C'est quand même mégalomane, quoi, le mec. Se supporte la pas. Personnalité tertiaire de Farid ne supporte plus sa personnalité quaternaire. Mais Farid n'est pas Farid. Tu sais que Farid ne s'appelle pas Farid. Farid s'appelle quelque chose d'autre que Farid et que Farid oui. Et quelqu'un d'autre que Farid. Nous allons dévoiler Farid n'est son pas nom Farid. Sur les ondes. Farid sera pas Farid si ce soir. Si quelqu'un le connaît, il s'appelle ce Florian Nebab. Ce soir, le kebab c'est n'est moi, pas Florian. Là. Florian. Florian Nebab. Arrête, c'est l'un de mes meilleurs potes. Moi, Florian, le pire de tout. Pas, là. Pas dit que c'était le meilleur. C'est les i, c'est mieux que les en. Alors, si la connerie est une sorte de virus qui se confie aux plus cons d'entre nous. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on finira tous cons ? On l'est. On l'est déjà ? Oui. Tous cons. On peut juste s'améliorer. D'accord. Plus cons que fous, en tout cas. Donc, vous voulez des conseils pratiques ? Ne pensez plus, agissez. Chaque jour est comme le dernier. Agissez ou réagissez ? Linde ! Quelle est la subtilité entre agir et réagir ? Quelle est la suprématie entre faire et défaire ? Le nœud. Le nœud gordien. Le nœud gordien dans la tête de Hal. Oui. Le foie de Hal. Hal super gay. Hal super gay dans South Park. Je connais. On a trouvé un thème bien marrant, ça va être South Park. Hal super gay. Non, aucun thème. Si, qui sauve les animaux et qui leur rend une vie heureuse. Parce que les animaux gays, on mérite d'avoir une vie heureuse aussi. Oh, j'ai dans le sang. Et aussi, ils ont le droit d'avoir une vie heureuse. Oh, j'ai dans le sang, j'ai dans le sang. Blood. Farid blood, tu blood, as une sonde anale dans blood. Le cul. Oui. Une caméra endoscopique, qu'on dit. Ah, mais c'est de là que ça vient la transmission, en fait. Farid, notre transmetteur. Oui. C'est pour ça qu'il est pendu au plafond à l'heure actuelle. Par le cul. Par la sonde anale. Non, il est en train d'étouffer depuis par une demi-heure. Par la caméra endoscopique. C'était par le cul. Aidez-moi. Je suis pendu au plafond. C'est non, pas moi qui tu voulais être le premier à mourir. Le coloscope a fait une erreur. Aidez-moi. Je ne suis pas un astronaute. Merde, c'était pas là qu'il fallait le foutre, le satellite. D'être 1000 pieds sous terre. Et me voilà lancé dans l'atmosphère. Le coloscopiste. Je suis un astre. Coloniste. Un autre heure. Le coloniste. Nous pensons. Le colonisateur n'est pas un coloniste. Tu nous illumines ta sagesse, Farid. Le colonisateur, on l'encule. Oh. Ouais. Par voie rectale. Et anal. Anal. À mal. Anal. On l'a mise à mal. L'anus. MDR. Noël. Lol. RRR. MERDE. PUTAIN. ZUT. FARID. Fuck moi. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Faites un plomb. Fuck le. Nous avons tous des gens très bizarres ici ce soir. Le. Nous sommes une douzaine dans les studios, mais il y a 14 personnes qui s'expriment pas. C'est une orgie d'insultes. On insulte tous ensemble les auditeurs. Dans toutes les langues possibles. Bah, fais ça intelligemment. Si on insulte Sarkozy, on risque quelque chose. Ouais, on risque quelque chose. On va gagner des auditeurs. Bon, ben, Sarkozy, je dirais. J'ai vu que t'as coupé le son quand même pour pas que je dise des conneries. C'est pas comme au Maroc. Au Maroc, t'aurais pas le droit de dire le roi. Non, mais Sarkozy, on l'aime, hein, presque. Non, je préfère me taire. Non, mais faut pas parler de Sarkozy, faut parler de nous. Faut s'insulter soi-même. Donc, je suis un petit Minus qui n'en a rien à foutre du peuple et qui me fait enculer par ma femme avec un goût de ceinture. Oui, wow. Voilà. Je suis. Je pourrais rien dire tellement c'est énorme. J'assume. Et je cours avec toi. Si, quelles sont les choses les plus gore que vous avez faites dans votre vie? Non, je cours après. Ça, c'est sympa. On fait ma merde. Ah, pas mal. Marco, t'as fait quoi, toi? Le pire truc, le dégueulasse, quoi. On a le droit d'introduire un cheval dans l'histoire. Ouais. Non, c'est pas très dégueulasse. Qu'est-ce que t'as fait au cheval? Mais t'étais là, Farid. Merde. C'est toi le cheval. Oh non, j'ai introduit en fait dans l'histoire. C'était la jument. Dans l'histoire, j'ai introduit Farid et le cheval. Je crois que ça parle tout seul. Sa brochette. C'était assez dégueulasse. Farid, t'as fait quoi toi à part ça? Je suis sûr que t'as fait pire. Oui, moi j'ai ça, tu t'en rappelles pas? J'ai traversé la Garonne, j'ai bu mon urine et j'ai escaladé la Tour Eiffel. Pas mal, pas mal. En tong? Non, à pied nu. Non, le pire, c'était escalader la Tour Eiffel. C'est pas gore du tout. Et le truc le plus cool que vous ayez fait? Vraiment le plus cool de votre vie, quoi. J'ai le droit d'introduire Jennifer Lopez? Ouais, t'as le droit d'introduire dans Jennifer Lopez. Tiens, un truc que t'as vécu avec elle. Oui. Qu'est-ce que t'as fait avec le poster de Jennifer Lopez? Qu'est-ce que t'as fait avec le poster de Jennifer Lopez? Enfoiré. Référence. Alors, Draco est blonde. Blonde comme un cul. Ah oui, il a plus de dents. Mais oui, oui, oui. Vas-y, efface ça du mur tout de suite. Quoi, l'histoire des dents ou l'histoire des blondes comme un cul? Non, il s'habite. Ah, s'habite, pardon. Mm. Il s'habite. Oui, il s'habite, oui, je comprends. Oui, mon âme habite mon corps. Il demeure en son âme. En son âme éternelle. En son âme il éternel. Reviendra parmi nous, marchant est, sur l'eau. Elle est éternelle aussi. Et ouais. Et éternelle. Elle les est aussi. Ouais, elle les a éternelle. Elle les a bien, elle est bien sévèrement, quoi. L'âme. Vois sur ton chemin, ouais. Gamines oubliées, et donne-leur la main et ramène-les chez toi aujourd'hui. Oui. Il est vrai que la pédophilie est un terme très souvent engagé. C'est un terme désuet, maintenant on parle de sexualité avec des jeunes. Oui. Des jeunes mineurs. Des jeunes mineurs. De 4 Donc ans. Ils chantent le de coups de grisou, tu sais. Surtout qu'ils s'enferment dans des squats et qu'ils en ressortent. Ils en ressortent mordus par des chiens. Traumatisés, je sais pas, mais amputés, oui. Amputé de la... Physiquement, psychiquement, ou dans tous les sens du terme. Amputé et dans de tous la... les sens de la chose, dans tous les sens des positions. Amputé par la vie? Aussi. J'ai dit dans tous les sens du terme. Amputé combien? T'as fini le rhum, Farid? Moi, il m'en reste. Oui, pas il reste plus grand chose. On veut une gorgée? C'était... Ouais, j'en veux bien. On ne le finit pas. Gloops. On n'est pas sans touche micro, pas le micro avec ton menton. Ça fait des vibrations bizarres. Après, c'est le conduit, il est un peu encrassé. Je vous aime, les mecs. On va finir par s'enduire à la fin. Ah non, je suis pas gay. Hein. Toi, quand tu dis ça, ça sent que t'es gay quand même. C'est... Bah ouais, je suis pas plus gay que toi. Hein. Je suis triste. Bon, les chevaux, quand même, moi, c'est pas trop mon délire. Ouais, mais Jennifer Lopez. C'est pas gay, ça. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez déguisée en cheval. Ah, ouais, c'est Leonardo et Al qui sont sur, la une pénis, sur un bateau. Taco, taco, une petite, un petit bateau, un embarcadère. Oui. Al. Oui, Al. Pas gay. Et Leonard DiCaprio. Leonard DiCaprio. D'accord, comme les caprets de Suzette, comme les crêpes Suzette qu'on trouve à la fête foraine, à côté de la rue Alfred Duméril, au 40, donc de la rue Alfred Duméril, on trouve Canal Sud aussi, sans cap Suzette, mais avec un local de radio, donc que vous pourrez trouver tous les jours sur le 92.2 FM du site toulousain de cette radio, donc qui émet vers Jolimont et sur toute la région toulousaine. Et l'agglomération, entre autres, et également sur le site internet canalsud.net. Si vous aimez ces programmes, n'hésitez pas à nous appeler au 05 61 53 36 95 au 05 61 53 36 95. Et sinon, écrivez-nous sur le canalsud@canalsud.net ou... ou appelez-nous donc c'est bon. J'en ai marre. Pat et Répat sont sur un bateau. Il est affiché au mur le numéro. Ouais. Pat et Répat sont sur un bateau. Pat ton ballot, qui reste-t-il? Tu me passes la ganja. Répète. Pat et Répat sont sur un bateau. Et il nous passe la ganja. Ouais. Ja Rastafari. Yeah yeah yeah. On fait du reggae? Non. Hey. On kiffe, hein. Hey, mais c'est vrai que c'est jeunes. Trop joyeux pour nous. Qui veut écouter du Bob, appelle le 05 61 53 36 95. Attendez une seconde que je décroche le téléphone. Qui veut écouter du body? Body Nam Nam? Non, pas du body. Body Papat? Body Break Nam. Birdie Break the Ass of the Motherfucker. And suck my dick in your motherfucking ass. I like that. Je les connais pas trop ces gens. That's one expression for the ce qu'ils font, par contre, c'est vraiment sale quoi. Ils ont un son vraiment sale. Yes. Même ça sent mauvais quoi. Ça sent mauvais. From America for you. Sud, I love you. Yeah. Et aussi que dédicace spéciale Yapa sur Canal Sud, ça vous le savez déjà. Et aussi que vous pouvez appeler, mais n'appelez pas parce que finalement on en a rien à foutre de vous. Parce que l'émission Nuisance, c'est une émission qui nuit au sens et qui n'a aucune intention de vous faire plaisir. Pas ce soir, vous n'aurez que de la merde. Oui, que de la merde en boîte. Et d'ailleurs, on est en plein dedans. Et vous êtes heureux et nous sommes malheureux d'être des merdes en boîte. Et nous bouffons des sardines à l'huile de tournesol. Et l'huile de tournesol nous gicle sur les pieds. Et ensuite, on se frotte le dard avec un bout de foie gras pour que ça passe mieux. Et ensuite, on bouffe le bout de foie gras qui a un goût de fromage de pute. C'est dégueulasse. J'ai pas fini, les gars. Et on bouffe le foie gras donc qui a un goût de fromage de bite. Et ensuite, on se le fout dans le cul. Et on se frotte l'anus avec un bon, excusez-moi, tous ceux qui savent que je suis là, vous êtes je dirais pas mon dépressif. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Changer le nom de la radio et de prendre d'otage le studio. Bienvenue chez les dépressifs qui se frottent le cul avec du foie gras. C'est l'émission de radio. Là, nous changeons aujourd'hui le nom de la radio en radio dépressif. C'est le cas. Nous allons prendre le studio en otage. On pète dans car la soie nous allons tous mourir. Chier dans le caviar. Chier dans le caviar et péter dans la soie. Ouais. Pardon, j'ai coupé le micro. Désolé. C'est qu'il faudrait qu'on ait de l'argent avant de chier dans le caviar. Non, on n'a pas chier dans le caviar, on chier dans le foie gras. Le foie gras, c'est le truc du sud-ouest. Pourquoi tu essaies de te faire passer pour un pauvre là? Mais moi, j'essaie de me pas faire passer pour un con. Bah, je suis tu vois, il y arrive très bien, alors il peut y arriver lui aussi. Il peut y arriver. Vas-y, continue, persévère, on est en action. On peut pas, nous on est des dépressifs, alors c'est qu'on n'a pas d'argent. Si on avait des thunes, on serait pas dépressif. On peut boire notre urine par contre. À ce qu'il paraît, il y a une théorie. Ça, c'est une richesse qui est donnée à tout le monde, c'est bien. Dépressif. Et qu'il mange du Viagra pour éviter d'être dépressif. Voilà, et qu'il se bouffe du caviar en pensant être fin et être finement doté d'un ustensile de cuisine en bois limé. Adéquate et massivement à l'agitation de l'œuf, massivement musculairement construit, quoi, édiqué comme édicéré sur une éviscère action de l'engraine qui gangrène et qui tout à fait nous engrange une atrophie. Une certaine atrophie, mais d'abord le micro ne doit pas être tenu avec la main, il doit être tenu par les dents et donc ensuite parler avec les dents ouvertes comme la mâchoire qui sert de son ustensile. Et on continue de parler pour que faire la nuisance se fasse et que ensuite point à la ligne, il n'y a pas de tangentielle réalité, la réalité est bien celle-ci qui est présente dans nos têtes, présente dans nos culs, présente dans nos bites et présente dans nos sexes. Et ensuite on fait frotter la bonnette du micro avec le micro et on se frotte le casque au cul. Et toujours le cul est là pour chier dans le casque et ensuite se mettre sur la tête, se mettre la bonnette sur la tête et ensuite se mettre un cache-nez sur le nez. Ensuite, après avoir mis un cache-nez sur le nez, l'on frotte la bonnette avec le cadre du tableau et ensuite le tableau, on se le met dans le derche. Petite pause. Nous avons perdu. Une petite pause. Thank you. sais pas quoi dire sauf que, bite cul, torche-moi le derche, improvise-toi une ombre, fais du mieux que tu puisses. Le fuir, l'être, c'est le meilleur. C'est mon kumbaya à moi, kumbaya à moi, kumbaya à moi. Seigneur, le seigneur, le perchoir ignorant, gémitude, gémis de couleurs qui pètent leur race. Voilà, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi. Gloire aux morts, gloire aux morts, gloire aux morts, gloire aux morts. Je joue à jouer. L'acte m'obsède en quantité. Inexorable, la poussière s'amasse le long du bruit. Où ce bruit s'installe, non insidieusement. Another by and with hell. Tu me vois, nous voyons. Nous voyons. Tu es né la dernière journée d'été. Part one. Tu ne vaux pas la chandelle, Nawak. I see more. Ensuite les œufs blonde head sillage. I can trust the streams gonna be one. I follow, I believe it's my way way like shadows. The shadows on the feather. A feather stringing on my ringing. I can find the passion of dispassion and glory and glorying of the fucking motherfuckers everywhere. And I hate them. I hate them all. And everything I do is just for them. I know I'll never find my place in hell. And it's always the same old thing. Same old. He wasn't much of a talker, old Morty. I always well. Pendant ce temps, la marine was the one doing the talking. Le saint, at that time he only had like 49 cents for a 57 cents of enfin, can of beer. La toute, la tente. By that time we were half drunk, l'onomatopée, fuck. Half on brown sugar. We felt both, I'm sure, like clouds. Fuck you, fuck everything I did. It'd be 2 weeks since I'd met him. Now or never. And knew him by heart already. Gone up. And all the last in so time, I took his change and stole the damn can. And bought plus sauvage sweets, que la nuit, you know, can. Un sombre soir d'octobre, octobre. And the Pakistani storekeeper spoke to me, probably suspicious, about some bullshit like his worries or something. No, I just grabbed his ideas and talked on for like 5 minutes. That's 300 seconds non-stop. Not letting him get to what he was saying and left. Morky knew me too, by heart. I mean, no sauveur, and was waiting for me outside. Et hop, c'est dans la boîte, beer on the sidewalk, in the cold, tu te démènes à fournir une excuse à tes faits. Now, tu t'engages dans des voies oblitérées par la passion du Christ enveloppée dans une passion enivrée de chair et de recrudescence chimique. N'est pas volubile, ou si seulement, tu sais ce que ça voulait dire. Back to where I started, I thought. I knew my apartment would be lost by the time I came back down with encore une fois, pack de bière. I knew I had no money, but it began too. Je t'en foutrais des éclats. All the rest of it. Mais pourquoi I didn't know. T'es si agressif, calmos. Walking uptown to the good neighborhoods, and of course, to reach them, you gotta cross all the bad ones. But shit, this couldn't get any worse. C'est pas la discussion. It just couldn't. Je baise. The city was just like any other town I'd seen. Encore un peu no matter where you went, it just was always just the same old. De toute cette honte, de toute cette gêne, c'est dans les gènes la guerre, we c'est dans les gènes, ça finira pas like tant que, que, bite ta gueule, cul. So walking, voir dire, and up comes this old lady with a dog and purse, comme dans non capable de faire quelque chose. I just said dog and purse, cause that's what it's like seeing her there. She's holding her leash. Il est revenu à lui. Like it's the only thing she's got. Je l'adore. Il me fout dans le cul. She's got a whole bunch of stuff. En grattant. She's coming mes hémorroïdes. Et la merde. She sees us and fucking. C'est bon la merde. Clutches la bouffe. Like the dogs on a strangler collar and chokes and non, her bag ne is just another vinyl leather imitation purse. Laissez-moi faire. So for the 10 seconds she holds quelque chose d'intelligent à dire. She's probably got an hour of sweat building up. On laisse tomber. C'est pas moi qui vais vous dire quelque chose de sage, sauf merde. Walking too, but she literally walks partout by la merde, like tant de merde, tout merde, like she wants us toute not merde to. Même. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, need this aggravation. J'ai trouvé who quelque chose, le cake. Bag anyway. Je fais le cake et c'est trop bon, c'est bon, c'est bon. I've got it all planned. Baisse-moi encore, mais ça n'est pas moi. And I didn't think about it, I just believe. He didn't say much, as I already told you guys. Then I realized I was thinking about it and stopped. L'éclat du soleil. Okay, aussi peu probable ce que là puisse paraître, c'est pourtant la vérité vraie. Je le jure. I finally hear him. Presque. He's like, oh fuck, fuck, tout fuck, ce que je vois, oh fuck. C'est le bout du tunnel. I realize how encore insane et encore, dommage, collatéral. And stop. Si je sais ce que ça veut bien dire, je m'en fous de ta gueule. Tu nous gênes, tu nous fais chier. Not an inch, not a fucking maladies. Inch. And he's et looking at parler. Her, I think. Alors casse-toi. I keep staring at him for oui, an endless second and c'est check vrai. On the girl. Et j'aime ça. She's j'aime damn plus bad. La bite et la merde. Just bad. Et personne après qui m'en empêchera. She's twisted on jamais the ground. De continuer. Her shoulders are flat, but her d'autres bottom gens legs are avec ma maladie. Vas-y. The floor. It éclate. Doesn't look natural. It doesn't, écoute. Of course. Bordel. Écoute tes écouteurs. My head. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM et c'était l'émission Nuisance.